Bonjour, je m'excuse, le son sera pas parfait. Il y a une télévision qui joue dans une autre pièce et je suis pas encore rendu à forcer les gens qui cohabitent avec moi à se priver de leur boîte à cossins. Il y a quelqu'un qui m'a fait une réponse. Route Lorrain, toute forme trompe l'homme. L'homme est atomique et enterre ce système. Ok, je suis allé répondre. Pour voir au-delà de la forme, il faut commencer par voir la forme. C'est la subjectivité dans la vue qui trompe l'homme. L'homme existe à travers le système. L'univers est un système. Sans forme, il n'y a pas de langage et l'énergie ne se diffuse pas. C'est de ne pas voir que la forme n'est qu'un véhicule. Afficher la suite. C'est de ne pas voir que la forme n'est qu'un véhicule qui est une tromperie. Voir au-delà de la forme n'est pas un nihilisme formel. Pourquoi est-ce que je suis allé répondre ça? Pourquoi? Parce que au-delà de l'astral planétaire, il y a quelque chose qui est au niveau des lois. Les lois, ce qu'on appelle des lois universelles, d'harmonie, entre autres, de diffusion de l'énergie. Ce qui coordonne les mondes en évolution. Or, si ça, c'est pas vu, ça veut dire que la personne est juste astrale, est juste planétaire. Moi-même, je suis astral, puis je suis planétaire. Mais elle a une capacité à voir au-delà de ça. Mais ben franchement, de me faire sortir une affaire de même, là, ça vous donne quoi? De venir me faire. Ouais. Je pense que la réponse est ajustée. Puis, au pire, s'il y a moyen de défaire ce que j'ai dit. Parce que, désolé, mais on est dans du cyclique. Tout est cyclique. Et puis, c'est des égos qui vont se faire enterrer. On les enterre avec le véhicule quand il est désuet. Parce que l'ego meurt. Il reste enregistré en tant que mémoire expérimentale. Mais si jamais vous avez la joie d'aller sur les plans puis d'avoir à vous astiner avec les cabochons que sont les morts puis de voir à quel point ils sont bloqués, à quel point ils sont incapables d'admettre quoi que ce soit, ben vous allez vous rendre compte qu'il y a du monde qui sont un peu comme eux. Il y a des gens, chers amis, qui sont morts de leur vivant. Puis je considère que je suis pas mal gentil puis généreux des fois de répondre. Je dis pas que cette personne-là c'est comme ça, mais disons que pour l'instant, il y aurait moyen d'aller un peu plus loin que de sortir une affaire de même. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est quoi qui fait qu'on différencie la connaissance du savoir? Eh bien, le savoir, c'est instantané. C'est instantané. Et puis la connaissance, elle est toujours désuète. Ce qui est actuel en tant que connaissance est déjà désuet. Toujours. Le savoir, lui, il est intemporel. C'est instantané, le savoir. Et puis, c'est souvent lié à des choses qui transcendent ce qu'un ego pourrait percevoir par lui-même tout seul, parce que ce n'est pas créatif, l'âme. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Mais ben franchement, des fois, je me demande pourquoi je fais ça, puis pourquoi je suis revenu. Parce que justement, moi aussi, j'ai un ego, puis je suis de plus en plus rassis, comme un vieux biscuit qui sèche. Puis je suis bien moins patient qu'avant. Et je vais l'être de moins en moins. Faites bien attention des fois à ce que vous me sortez, parce que ça se peut que je me tanne, puis que vous n'aurez pas de réponse, vous n'aurez même pas le loisir de faire en sorte que d'autres voient vos commentaires. D'accord? J'ose espérer que c'est clair.